Bon, Alain, je représente l'association Léo Déclic, 2000 dans les rouages. Très content. Alors. Quel est mon objet, mon métier? On récupère l'huile de friture, donc on récupère un déchet dont on fait de l'énergie. De l'énergie, de l'or, de l'huile alimentaire usagée recyclée. De l'or, de l'huile. Voilà. En quoi cet objet s'inscrit dans la transition? Ben, on est sur les circuits courts, sur les déchets et sur l'énergie. C'est quand même des questions, trois questions fondamentales. On pourra en reparler après. Qu'est-ce qu'on peut apporter au moment de la transition localement? Ben, déjà, c'est de partager cette expérience et puis peut-être de les s'aimer un peu partout, parce qu'en fait, c'est très simple, on peut le faire partout. Donc l'énergie, il n'y a pas que la bouffe en circuit court, vous savez bien, il y a aussi l'énergie, il y a plein de choses. Et quels sont nos besoins? Il y en a beaucoup. Alors, vos compétences techniques, financières, comptables, des lieux, tout. Voilà. On pourra en parler après.